Il a des jardins pleins d'oranges, et les vergers sont parsemés de fruits juteux et parfumés, de fruits mûrs aux saveurs étranges. En mai, dans les tranquilles soirs, lorsque les frondaisons sont vertes et les corolles fraîches ouvertes, les bosquets sont des encensoirs. En août, lorsque la chaleur grise en attisant la volupté, on sent dans l'air bleu s'agiter l'immense éventail de la brise. Andando voy por la vida, rodando sin parar. Todo va camino abajo y nadie me podrá salvar. Y no me importa salvarme si ya todo lo perdí. Volver a mirar otros ojos, igualitos aquellos ojos, causantes de mi sufrir. posible mejor. Sigo rodando, volteando de aquí y de allá. Sé que en una vuelta de esa mi vida he de terminar. Y yo moriré con mi pena atado a este gran dolor. Pero no he visto otros ojos que brillen con tanto fulgor como aquellos ojos lindos que hoy me niegan su calor. Desandando voy por la vida, rodando sin mon enfant, il y a 8 ans qu'elle douleur glisse du cœur. Dans ta romance où la souffrance verse des pleurs, tu cours la rue dans ta guenille, tête ingénue sans famille. Et dans le soir, pleine d'espoir, ta voix s'écrie. Mes cafés grillés. Seul tu passes tes notes hélas, avec ton cœur et sa douleur. Ta voix plaintive qui se lamente et qui se meurt. Et tu reviens dans la nuit noire, sans nul soutien que tes déboires. En tout sautant contre le vent et gémissant, mes cafés mon enfant vieil 8 ans, quelle douleur glissée du cœur. Dans ta romance où la souffrance verse des pleurs. Tu cours la rue dans ta guenille, ta ténue sans famille. Et dans le soir, pleine d'espoir, ta voix s'écrie. Mes cafés grillés. Seul tu passes, traînant hélas avec ton cœur et sa douleur. Ta voix plaintive qui se lamente et qui se meurt. Et tu reviens dans la nuit noire, sans nul soutien que tes déboires. En tout sautant, contre le vent et gémissant. Mes cafés gris. 阵阵吹，有你在我身边，不怕寒冷冬天，温暖在我心田。待冰雪融化了，春天跟着到来，待满山花儿盛开，幸福就与你同在。窗外梅花开，雪花缓缓飘来，寒风阵阵吹，有你在我身边，不怕寒冷冬天，温暖在我心田。等冰雪融化了，春天跟着到来，待满山花儿盛开，幸福就与你同在。 风在。 Thank you. little eyes of red. Sunset in Bermuda, clouds go drifting by. People sit around and sigh. It's a perfect love sky. Sunbeam shining through the clouds, resting on her face. Whispers to you lovers, please, time you really cannot waste. Quietly to you I speak, in all the lands for me they seek. But you can be assured and rest, Bermuda eyes I shine my best. Sunset in Bermuda makes lovers sit inside. They always will remember that it's a perfect lover's sky. I speak, in all the lands for me they seek. But you can be assured and rest, Bermuda eyes I shine my best. Sunset in Bermuda makes lovers sit inside. They always will remember that it's a perfect lover's sky. With the bad sunset, Bermuda Isle of Red. Thank you. dans la mer des Antilles, un coin de terre baigné par les flots bleus. Oh mon pays, oh Kiskea, je t'aime et je suis fier de vivre sous ton ciel. Et je bénis ce jour qui m'a vu naître dans mon boyau au goût de sirop miel, sous un soleil qui resplendit et qui sourit, ce beau joyau qui est tant désiré. Haïti, terre de soleil, je rêve à l'ombre de tes palmiers et je chante avec amour le doux refrain de ton histoire. Haïti, terre de soleil, je rêve à l'ombre de tes palmiers et je chante avec amour le doux refrain de ton histoire. Kiss you, music filled with starlight. every time a charm runs out, I love you, only you forevermore. 'Cause you're my theme for a dream. Yes, you are a red and lovely theme. You're a theme for a dream. So, angel, please say that you love me too and make my dreams come true. And make my dreams come true. Please make my dreams come true. Quero fazer de um juramento uma canção. Eu prometo por toda a minha vida ser somente teu e amar-te como nunca ninguém jamais amou ninguém. Minha bem amada, estrela pura aparecida, eu te amo e te proclamo o meu amor.